Dans Romance sans parole, aquarelle, spleen. Les roses étaient toutes rouges et les lierres étaient tout noirs. Cher, pour peu que tu te bouges, renaissent tous mes désespoirs. Le ciel était trop bleu, trop tendre, la mer trop verte et l'air trop doux. Je crains toujours, ce qu'est d'attendre, quelque fuite atroce de vous. Du hou à la feuille vernie et du luisant buis, je suis lasse, et de la campagne infinie et de tout, fort de vous, hélas.